De l'Est, blessé, fatigué, j'y ai mené 1000 assauts, fut 6 fois décoré. Les camarades qu'il me reste sont restés là-bas. On a choisi pour mon repos faire l'amour avec toi. Lebensborn pour la race, une fontaine de naissance. Lebensborn, l'homme blanc a encore une chance. Lebensborn, Erika, c'est là qu'on s'est aimé. Belle Arienne, sous ce toit, tu fondes à mon foyer. Sur le front de l'Est, moi je dois déjà retourner. Tu sais, Erika, oh oui, tu sais combien je t'ai aimé. Pour nos enfants, je dois défendre l'Occident. Retrouver ces fleurs rouges qui fleurissent les neiges. J'en sens à chaque permission, je reviendrai te féconder. Faire l'amour à ta peau douce, à en oublier l'acier. Je t'aimerai en mémoire de cette goutte de sang que nous avons versée ensemble sur cette page de Mein Kampf. Lebensborn pour la race, une fontaine de naissance. Lebensborn, l'homme blanc a encore une chance. Lebensborn, Erika, c'est là qu'on s'est aimé. Belle Arienne, sous ce toit, tu fondes à mon foyer. 1945 et le printemps se lève enfin. Je vois naître un nouveau bourgeon au creux de terrain. Je t'imagine nu auprès de moi un doux matin. Mais pour le Reich et pour nous deux, aujourd'hui c'est la fin. Je t'ai promis un millénaire, aujourd'hui incertain. Un empire blanc dont nos enfants seraient les gardiens. On aurait pu s'aimer une vie entière à procréer. On aurait pu construire encore sous la croix gammée. Lebensborn pour la race, une fontaine de naissance. Lebensborn, l'homme blanc a encore une chance. Lebensborn, Erika, c'est là qu'on s'est aimé. Belle Arienne, sous ce toit, tu fondes à mon foyer. Je ne remercierai jamais assez Adolf Hitler de m'avoir offert ta si belle tresse blonde. À présent, je pleure tapis dans cette isba, les Russes sont tout autour de moi. Je me prépare au combat, mais je ne pense qu'à toi, à nos enfants, Ludwig, Freya, la petite qui grandit en toi. Je vous aime tellement, je vous tends le bras. Dis-leur bien que leur papa était brave au combat. Prends-en soin, car bientôt le grand Reich triomphera. Lebensborn pour la race, une fontaine de naissance. Lebensborn, l'homme blanc a encore une chance. Lebensborn, Erika, c'est là qu'on s'est aimé. Belle Arienne, sous ce toit, tu fondes à mon foyer. Lebensborn pour la race, une fontaine de naissance. Lebensborn, l'homme blanc a encore une chance. Lebensborn, Erika, c'est là qu'on s'est aimé. Belle Arienne, sous ce toit.